Section 79 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États. 1270 à 1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 18, deuxième partie, Les Souverains, par Stodion Novakovic et Albert Mallet. Les rois de Serbie, Urok, le Grand, Dragutin, Milutin. En 1242, Urok, fils cadet du roi Stéphane, succédait à son frère Vladislav. Son règne, habile et heureux, dura jusqu'à 1276. Entre l'Empire grec et ses adversaires, il prit toujours parti pour ces derniers. Pour affermir les bonnes relations avec les Bulgares, il donna sa fille à l'empereur Michel VIII. Pour se bien couvrir au nord et se faciliter l'occupation de la Machva, il faisait épouser à son fils Dragutin la princesse Catherine, une Hongroise. Lui-même avait épousé une Française, la princesse Hélène, parente des Anjou de Naples, et dont les historiens serbes s'accordent à faire l'éloge. L'alliance avec les rois angevins couvrait le royaume d'Urok du côté de l'ouest et lui permettait de se consacrer à la lutte contre Constantinople. Quoique ses succès aient été minces, il mérita son surnom de grand pour avoir jeté les bases d'une politique durable et prudente. La création de l'industrie minière, une bonne politique commerciale augmentèrent la richesse du pays. C'est sous lui que la Serbie commence à prendre le dessus sur la Bulgarie, ou finissait avec la dynastie des Hassans, la politique d'expansion. Une révolution de palais interrompit ce règne heureux. En 1276, Urok dut abdiquer en faveur de son fils rebelle Dragutin, soutenu par une armée hongroise. Poursuivi par les remords, Dragutin, en 1281, abdiqua lui-même en faveur de son frère Milutin. Il se réserva la Serbie du Nord, la Machva et la partie adjacente de la Bosnie. Il y régna longtemps et contribua beaucoup à la renaissance de la civilisation slave byzantine dans cette région. Sous le règne de son frère Milutin, 1281 à 1321, l'un des plus remarquables d'entre les Nemanja, l'œuvre de l'unité serbe fut singulièrement avancée. Continuant la politique paternelle, Milutin réussit à établir définitivement la domination serbe au-delà du Tchar Dag, dans la vallée du Vardar, aux dépenses de l'Empire byzantin. Allié aux despotes grecs de l'Épire, au roi de Naples, couvert du côté de la Hongrie par son frère Dragutin, Milutin marcha vers la vallée de la Struma et occupa la région de Serres et de Christopolis, Kavala. Les armées serbes, pour la première fois, arrivaient au littoral de la mer de l'archipel en 1282 à 1283. Peu après, ils occupaient la région des lacs d'Okrida et de Prespa. Un mariage avec la fille de l'empereur bulgare, Georges Tertera, devait, dans la pensée de Milutin, lui assurer la paix du côté de la Bulgarie. Il ne lui en fallut pas moins en 1291, se défendre contre un prince bulgare. Sichman de Vidin, que la grandeur de l'État serbe commençait à inquiéter. Sichman, battu, fut ménagé par Milutin, qui, pour sceller la paix, lui fit épouser la fille d'un de ses grands dignitaires. L'union fut dans la suite rendue plus étroite encore par le mariage de Neda, fille de Milutin, avec le fils de Sichman. La lutte contre l'Empire byzantin reprit en 1296 et en 1297. L'Albanie septentrionale fut conquise et le royaume serbe continua de s'agrandir en Macédoine. Andronic II, paléologue, déjà occupé par les Turcs en Asie, chercha la paix en Europe par une alliance avec celui-là même qu'il redouta et donna sa fille Simonide en mariage à Milutin. La bonne intelligence entre les deux souverains ne fut pas troublée et Milutin acheva son règne dans la paix. Règne glorieux, car en comptant des possessions de Dragoutin, la domination serbe s'étendait, d'une part, de la Bosna au Rilodac et à la Struma, d'autre part, de la Save et du Danube aux montagnes de Strumica et à Prilep en Macédoine. Ce règne ne fut pas moins bienfaisant à l'intérieur. Les annales serbes le glorifient d'avoir construit ou restauré 40 églises dans ses états et hors de ses états, à Jérusalem, à Thessalonique, près de Cérès, à Constantinople. Dans cette dernière ville, il construisit et dota une zénodochie, asile gratuit pour les pauvres. Milutin, de tempérament autoritaire, était de ceux qui ne reculent devant rien pour se faire obéir. Son fils Stéphane, le futur Ourok III, fit l'épreuve de cette ferme volonté. La politique pacifique de la dernière partie du règne n'avait pas été sans exciter le mécontentement des partisans de l'expansion. Stéphane se mit à la tête des mécontents. Son père donna l'ordre qu'on n'exécuta pas de lui crever les yeux et le fit interner à Constantinople. Stéphane y demeura cette année. En 1321, il était appelé à succéder à Milutin. Stéphane Ourok III de Tchanski. Le règne d'Ourok III fut signalé par une guerre contre l'État slave de l'Est. Son beau-frère Michel, tsar des Bulgares, répudia Neda pour épouser une princesse byzantine. Comme l'on s'inquiétait à Constantinople, autant qu'en Bulgarie des progrès de la puissance serbe, une coalition se forma contre Ourok III. La guerre qui en résulta aboutit à l'écrasement de l'armée bulgare à Velbudje. La victoire était due en grande partie à l'héroïsme du prince héritier Dušan. Selon la politique traditionnelle des Némania, on chercha à créer de nouveaux liens entre la Bulgarie vaincue et la Serbie. Dušan épousa la sœur du tsar, Michel. En 1336, Dušan craigna que son père ne le déshéritât au profit d'un autre fils qu'il avait eu de la seconde femme, une princesse byzantine, prit les armes et le détrôna. L'essor de Bulgarie depuis Jean Hassan II. Avec Jean Hassan ou Hassen II, mort en 1241, disparaissait pour ainsi dire toutes les chances d'avenir de la Bulgarie. Avec la dynastie éteinte dès la troisième génération, disparaissaient les traditions politiques. La grandeur territoriale de l'État bulgare fut elle-même atteinte. Le fils de Jean Hassan, Koloman Ier, 1241 à 1246, âgé de 9 ans à son avènement, mourut au moment où allait commencer la guerre contre l'Empire grec. Celui-ci, profitant des circonstances, s'efforçait d'expulser les Bulgares de la Macédoine, de la vallée de la Struma et de la Thrace qu'ils avaient occupée sous Jean Hassan II. Il parvint à ses fins de 1254 à 1257, tandis que régnait en Bulgarie Michel Hassan, 1244 à 1257, autre fils de Jean II et gendre d'Ourok Ier de Serbie. Après l'assassinat de Michel, la succession au trône donna lieu à une série de troubles qui ne prirent fin presque à quelques interruptions près qu'avec l'invasion turque. Le règne de Constantin Titch, seigneur bulgare apparenté au roi de Serbie, fut assez long, 1258 à 1277, mais n'apporta aucune amélioration. La Bulgarie demeurait stationnaire entre le Danube, le système du Vitok et du Rilodac et la Maritsa. la maladie prolongée de Constantin Titch, les intrigues de sa femme, la proximité des ennemis, particulièrement les Tatars, donnèrent lieu à des désordres qui durèrent près de 20 ans. Ivaïl, la Tchannas, Janassin III, protégé de Byzance, Svetslav, Georges Terter, Smilets, se succédèrent sans qu'aucun d'eux parvint à rétablir l'ordre. Les Tatars, sous Tchoki Khan, envahirent une première fois la Bulgarie. La partie occidentale, la région de Vidin, commençait à se faire une vie à part avec Sichman, le fils de Georges Terter. Théodore Svetslav restaura le pouvoir central et parvint à régner de 1295 à 1322. Son fils, Georges Terter II, essaya, mais sans succès, pendant un règne d'un an, d'agrandir l'État aux dépenses de Byzance, 1322 à 1323. Mort sans enfant, il eut pour successeur Michel Sichman de Vidin, 1323 à 1330, le premier de la dynastie. Très ambitieux, malheureux dans ses ambitions, jaloux des progrès des Serbes, il rechercha l'alliance des Byzantins. De là son divorce avec la sœur d'Uroc III. On a vu le résultat de cette politique. Jean-Alexandre, neveu de Michel, lui succéda. Le mariage de sa sœur avec Dušan inaugura la politique d'entente entre Serbes et Bulgares, chère à Dušan, la seule prudente et salutaire. L'histoire de la Bulgarie au Moyen-Âge devait prendre fin avec les fils d'Alexandre et l'invasion turque. Stéphane Dušan, 1331 à 1355, la Grande Serbie, le Tsara et le Patriarcat. On a dit de Stéphane Dušan qu'il fut le Charlemagne de la Serbie. Comme le grand empereur d'Occident, le tsar serbe s'est fait représenter sur les monnaies portant en main le globe surmonté de la croix. S'il a mérité le titre de grand que lui ont attribué tous les historiens étrangers, c'est peut-être moins pour avoir conduit la Serbie au plus haut degré de puissance qu'elle est atteinte au Moyen-Âge que par sa glorieuse conception d'un empire d'Orient, refait par lui, rajeuni par lui et dressé à l'extrémité de l'Europe, comme une barrière en face du Turc, chaque jour plus menaçant. À son avènement, l'heure semblait venue de trancher cette question depuis longtemps pendante. L'hégémonie dans la péninsule resterait-elle aux Grecs ou passerait-elle aux Slaves, plus jeunes et plus énergiques? La solution paraissait devoir être favorable aux Slaves. 50 ans après la restauration de l'Empire grec, l'anarchie intérieure et le péril turc l'avaient presque réduit déjà à la dernière extrémité. Les factions détruisaient l'État et chacune à son tour prenait à solde l'Osmanli. Chez les Slaves, au contraire, le conflit entre Serbes et Bulgares venait de prendre fin. Une alliance unissait les deux peuples. Le génie de Dušan assurait sans conteste la prééminence aux Serbes dans cette alliance. Il semblait devoir l'assurer aux Slaves dans la lutte contre les Byzantins. Les 10 premières années du règne de Dušan légitimèrent toutes les espérances. Une politique active, des campagnes heureuses agrandirent au sud le royaume et en rapprochèrent les frontières à la fois de la mer Égée par les conquêtes en Macédoine et de l'Adriatique par les acquisitions en Albanie. Moins Thessalonique, la Chalcidique et la Morée, Dušan était déjà maître d'à peu près toutes les provinces occidentales de l'Empire. Au début de l'année 1345, la frontière serbe descendait sur la Struma jusqu'en face de Serez. La Bulgarie, alliée de Dušan, débordait sur la rive droite de la Maritsa supérieure, la région comprise entre Serez, le Rodop, la mer Égée, l'embouchure de la Maritsa, était soumise à des aventuriers slaves indépendants, parmi lesquels Momchilo. La Thrace, proprement dite, une faible partie du littoral de l'Asie mineure, était tout ce qui restait de l'Empire byzantin. Or, en octobre 1345, Momchilo étant mort, Dushan occupa Cérès et Christopolis, si bien que la frontière serbe se trouva réellement portée jusqu'à l'embouchure de la Maritsa. Arrivé à ce degré de puissance, Dushan estima que le titre de roi, Kral, ne lui suffisait plus, et immédiatement après la prise de Cérès, il se proclama empereur, tsar, de Serbie et de Roumanie. Mais l'empereur ne pouvait être sacré que par un patriarche indépendant du patriarche de Constantinople. Le patriarche bulgare de Tirnova et l'archevêque Torkrida sacrèrent donc patriarche l'archevêque serbe Ioan Nikios. Celui-ci, le 16 avril 1346, à la fête de Pâques, dans la Skupština tenue à Uskup, sacra Dušan empereur. Convaincu que la dislocation de l'Empire byzantin ne pourrait s'opérer qu'à son profit, Dušan, en attendant son heure, s'efforçait de rehausser le prestige extérieur de sa nouvelle dignité et de renforcer à l'intérieur en l'organisant le jeune empire slave. De là, les grands dignitaires, despotes, logothètes, chambellans, etc., dont il s'entoure à l'exemple des souverains byzantins. De là, ses voyages dans les pays récemment conquis. De là encore, le grand travail qui aboutit en 1349 à la promulgation de l'ensemble de lois connues sous le nom de Code de Dušan, le plus beau de ses titres de gloire. Dès le temps de Saint Sava, on avait traduit le Nomon Canon de Photius et le Procaeros Nomos de Basile Ier. Dušan ordonna la traduction d'un recueil alphabétique du droit byzantin, droit ecclésiastique et civil, composé par Mathieu Blastarès de Thessalonique et fit voter par la Skupština de 1349 200 articles complémentaires. Il n'est pas sans intérêt de noter que Dušan y mentionne avec une certaine pompe les noms des empereurs, ses prédécesseurs, chaque fois qu'il confirme quelques dispositions législatives promulguées par eux. Le Code proclame la loi supérieure à tous. Il met fin à l'arbitraire. Il détermine les responsabilités, fixe la compétence des tribunaux, confirme les droits de propriété et les privilèges de tout genre. Il consacre solennellement la prééminence et les droits exclusifs de l'orthodoxie grecque dans l'Empire serbe. Religion d'État, elle eut le droit de persécuter la loi en main, catholique et hérétique. Tout en soutenant ouvertement l'autorité et les privilèges du clergé et de la noblesse, tout en prohibant toute assemblée de roturiers, l'empereur se faisait le protecteur de ces mêmes roturiers et des colons. Il les mettait à l'abri des vexations des grands, abolissait le droit de gîte, prenait de nombreuses et efficaces mesures pour assurer la liberté du commerce et des échanges. D'autres mesures furent moins heureuses. Par exemple, la division de l'Empire en grands gouvernements préparait sa dislocation pour le jour où le pouvoir impérial ne serait plus en des mains fermes. Les voïvodes, à l'exemple des comtes de l'Occident, devaient tendre à l'indépendance par l'usurpation des terres et des pouvoirs impériaux. Mais Dušan ne prévoyait pas un pareil avenir. Ce qu'il voyait dans les temps futurs, c'était Constantinople, capitale de l'Empire serbe. Pourtant, la disparition de l'Empire byzantin ne paraissait pas aussi proche, ni son démembrement aussi facile que Dušan l'avait peut-être pensé d'abord. De nombreux obstacles se dressaient entre lui et Constantinople. D'abord la Serbie, pays purement continental, ne pouvait lui fournir l'une des forces indispensables à la réalisation de ses projets, la flotte sans laquelle on ne pouvait se rendre maître ni de Thessalonique ni de Byzance. Vainement recherche-t-il l'alliance effective de Venise, dont les vaisseaux avaient contribué dans une large mesure à la victoire des Latins en 1204. La République n'entendait pas aider à la réédification d'un grand État balkanique à la création d'une nouvelle grande puissance sur la Méditerranée. D'autre part, ces Turcs que Duchamp dans ses luttes contre l'Empire byzantin avait presque partout rencontrés aux lieux et places des Grecs, soit qu'ils fussent à leur solde, soit qu'ils fussent leurs alliés, ces Turcs insaisissables pour Duchamp formaient des projets analogues aux siens. Ils allaient s'emparer de Gallipoli en 1356, fermant les Dardanelles, barrant aux Slaves la route maritime de Constantinople. Pourtant, le tsar de Serbie préparait une dernière attaque contre la capitale de l'Empire grec quand le 20 décembre 1355, il mourut subitement. Ourok V. Démembrement de l'Empire serbe. On a raconté qu'autour de son lit de mort, Duchamp avait réuni ses voïvodes et les avait conjurés de demeurer unis et fidèles à son fils. À peine l'empereur avait-il expiré que les voïvodes se seraient écriés « À qui l'Empire ?» Vrai ou fausse, l'anecdote symbolise à merveille la situation périlleuse où la soudaine disparition de Duchamp laissait l'Empire serbe. Il y avait bien un héritier, un fils de Duchamp, Ourok, mais d'abord il n'avait que 19 ans, puis, d'un caractère dévot, doux, sans vivacité, il était le vivant contraste de son père. C'est bien Louis le débonnaire après Charlemagne. Sa faiblesse ne compromettait pas seulement la réalisation des projets de Duchamp, elle mettait en péril l'œuvre accomplie, l'existence même de l'Empire. L'œuvre était si récente qu'à vrai dire l'empereur, c'était l'Empire. Celui-ci n'existait que par celui-là. Le temps avait manqué pour fondre les provinces entre elles, pour créer un esprit commun. Un centre même, son centre naturel, manquait au nouvel État, puisque Constantinople n'avait pu être conquise. D'autre part, comme il n'y avait ni un sentiment de solidarité, ni un d'esprit public, la tentation devait être bien forte pour les membres de cette féodalité administrative créée par Duchamp de se substituer chacun dans son domaine au prince faible qu'était Ourok. Ajouter l'influence du sol, la nature même du pays morcelé par les montagnes en nombreux cantons assez nettement séparés. Pourtant, l'œuvre de dislocation ne commença pas sur le champ, et sauf quelques pertes sur la périphérie, l'unité subsista encore pendant 10 ans après la mort de Duchamp, et les gouverneurs, en apparence au moins, respectèrent l'autorité impériale. Aux causes internes de destruction, très analogues à celles qui amenèrent la dissolution de l'Empire carolingien, s'ajoute le péril extérieur. En Orient, il vient des Turcs, comme en Occident, il vint des Normands. L'État créé par Mourad Ier, 1360 à 1389, en Thrace se développait rapidement. Les Turcs pressaient les Serbes au sud-est vers Cérès et Drama, par le Rhodope, par la mer Égée. Ils s'approchaient de la Macédoine par la Maritsa. Les gouverneurs serbes de cette région durent songer à organiser seuls leur défense, car les nobles de la Serbie centrale, guidés par des vues purement égoïstes, semblaient se désintéresser au péril couru au sud, et l'empereur Ourok ne sut pas les rappeler à l'idée d'un devoir commun. La Serbie méridionale et les Turcs. En ces circonstances, la sécession du sud était inévitable. Le despotèse Vukašin, qui gouvernait la Macédoine et qui tenait Prizren, la capitale de l'Empire, se sépara de l'empereur. Il se proclama roi de Serbie en 1366, donna le titre de despotesse à son frère, Uglieća, qui occupait Cérès, Drama et la région côtière. Il prépara la lutte contre les Turcs. L'Empire serbe se trouva de la sorte partagé en 2 tronçons, les provinces du nord, sous Ourok V et ses vassaux, les provinces du sud sous Vukašin et son frère, les Mernjavčević. Le rôle des deux Mernjavčević fut des plus glorieux. Vukacin et son frère ne voulaient pas seulement sauvegarder leur province. Devinant les projets des Turcs, ils voulaient les empêcher de prendre pied en Europe. L'héroïsme d'Uglietcha ne put empêcher Mourad Ier d'établir sa capitale à Andrinople. En 1371, les deux frères se préparèrent à un effort suprême. Grecs et Serbes s'étaient enrôlés. Jamais pareille armée n'avait encore été opposée aux Turcs depuis leur établissement en Thrace. On a vu plus haut le désastre de la Maritsa, 26 septembre 1371, et la fin d'Uglietcha et Vukacin. C'en était fait de l'état serbe méridional. Les possessions turques accrues des vallées de la Struma et du Vardar s'étendirent du coup jusqu'au lac de Prespa et d'Okrita. La légende s'est emparée du personnage de Vukacin. Elle fut en partie l'œuvre haineuse du clergé. La défaite de la Maritsa fut d'abord présentée comme le châtiment céleste du crime qu'il avait commis en usurpant la royauté, en démembrant l'état des Nemmania. Puis, on imagina que Dushan, à son lit de mort, avait confié à Vukacin la garde de son empire et de son fils Uroc. Non seulement Vukacin aurait trahi la confiance du mourant en s'appropriant une partie des états, mais encore il aurait été l'assassin de son pupille et l'aurait fait étrangler en 1367. Or, le tsar Uroc survécut 3 mois à Vukacin. La Serbie méridionale, vassale de la Turquie. L'indépendance de la Serbie méridionale ne fut pas complètement anéantie après le désastre de la Maritsa. Les dynastes serbes de la Macédoine, Constantin et Dragaš et Janović, devinrent les vassaux des Turcs, mais non point leurs sujets. Le fils même de Vukacin, Marko Kraljević, 1371 à 1394, garda le titre de roi sous la suzeraineté du sultan. On a dit de Marko Kraljević qu'il était le Roland de la Serbie. Nul héros n'est plus populaire, et son nom avec celui du tsar Lazar remplit les pesmas des plus beaux. Marko et son cheval Sharats sont aussi populaires aujourd'hui que le furent au Moyen-Âge Roland et son glaive Durandal. Marko est resté le type du chevalier, aussi généreux qu'héroïque, grand batailleur et grand buveur. Au demeurant, l'histoire littéraire de la Serbie lui doit seule quelque chose. Il fut seulement le vassal fidèle du sultan, combattant aux côtés des Turcs avec les mercenaires serbes. À ses propres exploits, la légende a ajouté tous les exploits célébrés dans les chants héroïques antérieurs. Par exemple, toute une partie de la légende de Saint-Georges fut appliquée à Marko Kraljević. Lui seul a pu faire pardonner son usurpation à Vukacin, que le clergé maudissait encore 3 siècles après sa fin. À la mort de Marko et de son ami Constantin, disparut le semblant d'indépendance que les Turcs avaient laissé à la Serbie méridionale. La Macédoine et ses dépendances furent déchiquetées en Ziamet et Timar de l'Empire ottoman. La Serbie septentrionale jusqu'à la bataille de Kosovo. La Serbie septentrionale avait commis une lourde faute en laissant Vukacin combattre seul devant Andrinople. C'est que les mêmes faits s'y passaient qui s'étaient produits en Serbie méridionale. Là aussi l'esprit particulariste agissait. Les Balčić, seigneurs et gouverneurs des États, les Altomanović, seigneurs du pays montagneux entre la Naranta et la Lim, se séparaient de l'Empire. Le centre de la Serbie, le pays des deux Moravas, de l'Ibar, de la Sitnica, aux mains du prince Lazar et de son gendre Vuk Branković, restait fidèle à Uroc V. Celui-ci mourait peu après la bataille de la Maritsa de décembre 1371. Il ne laissait pas d'héritier. Le prince Lazar et Vuk Branković se trouvaient maîtres du fragment le plus important de ce qui avait été l'empire de Dushan. Il semble que Lazare ait voulu se faire son héritier et reconstituer son empire. Mais les féodaux n'entendaient pas renoncer à leur indépendance au profit de Lazare. Altomanovitch prit les armes contre le nouveau prince. Cette guerre déplorable fut d'ailleurs malheureuse pour son auteur. Les autres féodaux reconnurent l'autorité de Lazare, et la Serbie septentrionale se trouva à peu près reconstituée sous un pouvoir central assez ferme. C'est à ce moment même que Mourad Ier se disposait à achever la conquête de la péninsule. Cette fois, il n'allait pas avoir affaire aux seuls Serbes. Lazare avait conclu une alliance avec le roi de Bosnie, et les contingents de ce dernier se trouvaient aux côtés de la noblesse serbe sur le champ de bataille de Kosovo, le 15 juin 1389. L'armée turque était formidable, si nombreuse, dit le Pesma, qu'en 15 jours, un cavalier n'en eût pu joindre le bout. De part et d'autre, l'on sentait que la lutte était suprême, qu'il y allait un long avenir. Aussi fut-elle acharnée. Un noble serbe, Milorad, s'étant lancé fort en avant parmi les Turcs, la retraite coupée poussa jusqu'au sultan et le poignarda. Après des prodiges de valeur, Lazare et plusieurs des siens furent faits prisonniers. On les décapita immédiatement après la bataille. La légende de Kosovo. La bataille sanglante et furieuse, l'action héroïque de Milok, la mort de Mourad et de Lazare, le fait que ce dernier avait réussi à grouper toutes les forces des Balkans contre les Turcs, tout cela frappa l'imagination des peuples, si bien que la défaite des Serbes tourna dans la suite à la victoire morale et en eut des conséquences. Les poètes improvisateurs s'emparèrent de ce thème héroïque, l'embellirent de tout ce que purent leur inspirer l'imagination et le patriotisme, divinisèrent, pour ainsi dire, cette mémorable journée. L'on chanta partout la mort de Lazare tombée dans la bataille d'après le poète, celle de son beau-père, le vieux Yuk, et de ses 9 beaux-frères, celle de Milok, qui a tué le sultan, et avec lui 12 milliers de Turcs. Lazare, couronne d'or de la Serbie, n'est pas tombé seulement pour la patrie. Il est mort martyr volontaire de la foi. Saint Élie, sous la forme d'un faucon venu du Saint-Lieu de Jérusalem, lui apporta une lettre de la Mère de Dieu qui lui donnait à choisir entre l'Empire céleste ou l'Empire de la terre. Le tsar a préféré l'Empire du ciel qui dure dans les siècles. Les poèmes ainsi criés furent chantés par tous les Serbes. Ils nourrirent et soutinrent leur patriotisme dans la longue servitude qui suivit. On a vu ci-dessus les dernières luttes des pays serbes contre l'invasion ottomane. Fin de la section 79, lue par Sandra, près de Montréal, 2023.